Activité 7. Compréhension orale. Voilà presque 20 ans que le magasin Fringue-mi, Fringue-moi a ouvert ses portes. Situé dans le 14e arrondissement de Paris, il accueille surtout la clientèle des 12-18 ans. Avec nous aujourd'hui dans le studio de Radio Ado, Élise, la fille des propriétaires. Bonjour Élise. Bonjour. Tu as en quelque sorte grandi en même temps que le magasin de tes parents. En effet. Mes parents ont ouvert une petite boutique l'année de ma naissance, en 1987. 15 ans plus tard, la boutique a fait place à un magasin plus grand où travaillent 3 personnes, mes parents et mon frère. Et ces 3 personnes sont à l'origine d'une belle initiative. Pourrais-tu nous expliquer de quoi il s'agit ? Eh bien, il y a quelques jours, il y a eu cette affreuse catastrophe, le raz-de-marée. On a tous vu les images à la télévision. Ça nous a bouleversés, choqués. Tous ces enfants qui se retrouvent orphelins, tous ces gens qui ont perdu des êtres chers, irremplaçables. À la maison, avec mes parents, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Parce que perdre des membres de sa famille, sa maison, ses biens, ses souvenirs, tout quoi, c'est atroce. Il y a de quoi devenir fou. Bref, nous aussi, nous voulions faire partie de la chaîne de solidarité qui s'est créée. L'entraide, la solidarité, c'est extrêmement important. Alors voilà. Au magasin, on a décidé de prélever 10% sur les recettes du mois et d'en faire don aux sinistrés. On espère que ça permettra de soutenir un peu ceux qui ont tout perdu et que ça les aidera à reprendre courage de voir qu'à l'autre bout du monde, on n'est pas indifférent à leur souffrance. Je ne suis pas célèbre, je suis une simple collégienne, mais puisque je suis sur les ondes, je voudrais en profiter pour inviter tout le monde à envoyer des dons. Plus on sera nombreux à se mobiliser, plus on sera efficace.